Partie 5, point d'orgue, avec illustration picturale. Papillon aux ailes brisées, comment dès lors peux-tu voler ? 24 juin, nuit, Pékin, maison. Retourné devant la porte de mon logis vide, je n'ose pas y entrer. Une voisine passe dans le couloir. « Alors, tu as fait un bon voyage ?» me demande-t-elle. « Oui, oui. Ah, tu as de la chance, toi, de pouvoir voyager. » Je tente un sourire. Tandis que la femme s'éloigne, je m'adresse ses réflexions. « Entre toi et moi, qui a plus de chance ? Enceinte d'amour, mais avortement affligeant. Beau voyage, mais l'oasis s'est révélée un mirage. » Pour ne pas attirer l'attention d'autres voisins, je me décide à prendre la clé. J'ouvre la porte. Pour la première fois, l'entrée et le salon me paraissent très froids. Finalement, derrière moi, je ferme la porte de mon logis. Ainsi se clôt une partie de ma vie, la plus belle, la plus intense de mon âge adulte. Oh, mon cœur, pourquoi continues-tu à battre ? Je finis par avancer dans mon refuge. Faible est la clarté du jour, des tentures aux fenêtres lui barrent l'accès. Je pose mon sac à dos. Immobile, je reste au milieu du salon. À quel regard confier mon affection ? Avec qui partager mes sentiments ? Âme déçue, détruite, calcinée. À présent, pourquoi ? Comment exister ? Une violente averse éclate, accompagnée de rafales de vent. Les gouttes de pluie tambourinent brutalement contre les vitres. Je m'approche d'une fenêtre et regarde vers l'extérieur. Oh, douce coïncidence ! Lamentation de la bourrasque, sanglots de la giboulée. Merci de partager mon état d'esprit, de me soutenir. Tout à coup, l'orage déchaîne toute sa puissance. Dans le jardin de l'immeuble, la double furie du vent et de la pluie secoue, arrache les fleurs, les disperse dans l'air, éparpillant leurs pétales. Une folle envie m'interpelle. Sors ! Débarrasse-toi de tes vêtements et jette-toi dans la tourmente et crie, hurle avec le vent, que la foudre te désintègre. Ainsi, plus de sentiments, plus de tourments, la paix éternelle. Tout mon corps frissonne, mon cerveau tourbillonne. D'un coup, l'orage s'interrompt, tout s'apaise. Pas moi. Tombe donc, glaciale neige. Ma vie se désagrège. Vite, qu'elle s'abrège. Mes yeux se tournent vers ma bibliothèque. Beaucoup d'ouvrages parlent du retour au foyer après un long voyage. Ils chantent le doux plaisir de retrouver la terre, le village, le lieu de naissance, les membres de la famille tant aimés, les amis. Mais d'autres écrits lamentent, avec douleur ou regrettent avec mélancolie, les insupportables séparations. Je m'approche lentement des livres. Ils m'ont aidé à vivre. Je parcours des yeux les titres. Je prends un recueil de poèmes de l'époque de la dynastie Tang, l'âge d'or de notre poésie. L'auteur est l'un de mes préférés, Bai Juyi. Je m'assieds sur le fauteuil, près de la fenêtre. Je feuillette, cherche une page, la trouve. Mes yeux fixent ce vers que j'avais souligné. Tant que la vie animera mon corps, mes yeux auront la joie de vous voir constamment. Je m'entends murmurer comme si Bruno était devant moi. Si la mort nous avait séparés, ma douleur aurait été moindre. Peut-être. Mais séparés, et cependant vivants, comment moi, dans mon atroce solitude, puis-je le supporter ? Jeté dans un noir tunnel, sans connaître sa longueur ni la sortie, et la bougie est si lointaine, éclairant une autre que moi. Une idée me vient, écrire à Bruno pour lui demander comment il va. J'y renonce, il ne faut pas le déranger. Je pose le livre sur mes genoux, je saisis mon téléphone, et sur l'écran je contemple la photo. Bruno et moi, souriants, entourés de mes parents et grands-parents, dans la cour de leur maison. Progressivement, l'image devient floue, voilée par mes larmes. Heureux canard mandarin, qu'un amour heureux étreint. 25 juin, village de Hua. Dans la salle de l'école, les enfants chantent allègrement en chœur. Hua m'a dit le titre, chant des deux canards mandarins une fois retournés dans leur nid. Hua dirige les gamins, je les accompagne en jouant la roue. Voilà que ma pensée va à toi, chère compagne de voyage. Mei, cet instrument est ton cadeau. Ta présence me manque, ainsi que celle de maman et de mon enfant. Une poule entre dans la salle de classe en caquetant, accompagnant ainsi le chant collectif. Cette apparition provoque chez les enfants, Hua et moi, un très joyeux éclat de rire. Comment chanter la symphonie de deux papillons désunis? 25 juin, nuit, maison, Pékin. Plus de 3000 kilomètres nous séparent. Moi dans le nord, froid et gris. Toi dans le sud, chaud et lumineux. Debout devant ma fenêtre, je contemple le ciel nocturne. Quelques étoiles scintillent. L'une d'elles envoie la plus brillante lumière. Oh, si maintenant toi aussi, Bruno, tu la regardes, nos yeux seraient charmés par le même rayonnement. Lentement, je me lève et actionne un petit appareil. Gu Zheng, voilà plus de 2 millénaires que les sons de tes cordes soulagent les âmes en peine. S'il te plaît, agis de même sur la mienne. Puisse la douceur infinie de tes notes, leur fluidité de ruisseau s'écoulant nonchalamment parmi les rochers, avoir le don d'apaiser ma souffrance. Accompagné par la généreuse mélodie, je prends un large morceau de tissu blanc, je l'étale par terre, je saisis un encrier et un pinceau, et je calligraphie les mots qui surgissent en moi. À toi, affection éternelle, tu as su réveiller mon cœur. Hélas, il saigne de douleur, et spirituel et charnel. Mais pourquoi cette cruauté cause de tant d'anxiété? Et d'où viens-tu, dure infortune? Toi qui es si inopportune, c'est la volonté du hasard. Ah, qu'il est tellement bizarre. Est-ce donc là ma destinée, d'aimer sans être jamais aimée? 26 juin, au bureau, après le déjeuner. Un fort désir est né en moi. Quitter mon travail et Pékin, pour retourner parmi les miens. Ici, dans cette capitale, celles que j'espérais avoir comme amies se sont révélées uniquement obsédées par elles-mêmes et par l'argent. Les hommes aussi. Ne parlons pas de l'air qui empoisonne les poitrines. Allons, aucun regret, vois bien ton intérêt. C'est quand elles sont belles qu'il faut cueillir les fleurs, pour savourer leur miel et toute sa douceur. 27 juin, soir, maison. Éclairée par une bougie, dans le silence de la nuit, j'ai composé le texte que j'aurais voulu ne jamais écrire, mais je devais le sortir de moi pour me libérer de son poids. En séparant nos routes, buvons la boisson de l'adieu. Pour te souhaiter bon voyage, moi, je retourne au paysage qui a vu naître mes aïeux. Au sein de la douce nature, l'harmonie sera ma parure. Restons, amis, restons liés uniquement par ma pensée. Tu as été un très beau rêve, tu as fait revivre ma sève. C'est déjà beaucoup dans ce monde où je trottine en vagabonde. À toi, je resterai toujours par le plus doux des souvenirs, unis dans le temps à venir et jusqu'à la fin de mes jours. Non, je ne peux pas lui envoyer ce texte. Il ne faut jamais faire de mal, même quand l'intention est bonne. Les lèvres closes, je pose mes deux mains sur ma bouche pour empêcher les sanglots. Mais pourquoi m'étouffer? Libérez-moi, larme salvatrice, reportez-moi au pays natal. Quant à vous, heureux en amour, recevez tous mes vœux de bonheur. 1er août, soir, village de ma naissance. Enfin, retour à la case départ. Me voilà parmi les miens, au sein de la nature de ma nature. Me rappelant la danse du dragon, effectuée par Bruno à Canton, j'ai voulu réaliser la mienne, de danse du dragon. Ainsi, le premier soir de mon arrivée, je suis allée sur la place du village. Sous les yeux infiniment attendris de mon grand-père et de ma grand-mère, assis sur de petits bancs sous l'arbre plus que centenaire, encore vivant, moi, papa et maman ainsi que d'autres membres de notre communauté, nous avons passé la soirée à balancer joliment nos corps en exécutant notre danse la plus traditionnelle, accompagnée par le paysan musicien du village. Bienvenue, ma nouvelle vie, correspondant à mon plus authentique désir.